de préparer les bagages. Tu finis d'installer nos vélos sur le toit. On n'a pas oublié les bonbons pour le voyage. On est tous excités et heureux à la fois. On est prêt à partir pour le midi de la France. Ils disent à la radio qu'on sera des milliers. Des milliers de voitures sur la route des vacances. Appelez-nous pour savoir si vous êtes bien arrivés. Dis papa, mets ta ceinture. Oh non papa, double pas. Dans les cœurs, il y a des blessures qui ne se referment pas. Toi qui conduis ta voiture sur la route des enfants, j'ai besoin qu'on me rassure, je viens d'avoir mes 10 ans. On roule au ralenti depuis quelques kilomètres, on s'est arrêté puis l'ambulance est passée. Le soleil est si fort qu'on a ouvert les fenêtres. Maman, dis-moi pourquoi elle a les phares allumés. Des gendarmes au milieu nous disent de faire demi-tour. On ne saura jamais ce qui est arrivé. Ce n'est sûrement pas grave, on va faire juste un détour. Vous savez les enfants, il ne faut pas s'inquiéter. Dis papa, mets ta ceinture. Oh non papa, double pas. Dans les cœurs, il y a des blessures ne se referme pas. Toi qui conduis ta voiture sur la route des enfants, j'ai besoin qu'on me rassure, je viens d'avoir mes 10 ans. Dis papa, mets ta ceinture. Oh non papa, double pas. Dans les cœurs, il y a des blessures ne se referme pas. Toi qui conduis ta voiture sur la route des enfants, j'ai besoin qu'on me rassure. Tu sais papa, je comprends.